4. Le lendemain matin, de très bonne heure, Anatoly se mit à l'œuvre. Les nuées d'incertitude que ses conversations avec Paulin, puis avec Pierre et avec René, avaient accumulées dans son esprit s'évanouissaient. Pour chasser les fausses rêveries, l'activité vaut un coup de vent parmi des brumes. Elle goûtait à se démener au milieu de difficultés qu'elle savait résoudre, une sorte d'allégresse physique, et dans l'âme un salubre contentement. Très attentive, soigneuse du détail, et allant vite cependant, elle se procura l'aide qu'il lui fallait pour aménager en dortoir les différentes pièces de son appartement. Et quant à elle, toute sa vie particulière était réfugiée dans la chambre de sa grand-mère. Elle eut des lits, elle eut deux cuisinières pour aider Catherine, qui, au surplus, ne voyait pas d'un très bon œil la maison transformée en hôpital, en garderie d'enfants. Elle eut des ustensiles, un mobilier de campement. Il lui vint une assistance qu'elle n'avait pas attendue, qu'elle n'eût pas souhaitée sans scrupule et qu'elle hésita même à ne pas refuser, Laurent. Il arriva et lui dit « Je suis à ta disposition, si je puis t'être utile. » « Mais Laurent, tu n'y penses pas. Ta maman ne t'a donc pas raconté comment on l'espionne ?»« Ils sont furieux. » « Oui, répondit Laurent, je sais. Et maman m'a prié de te dire tout le chagrin qu'elle a, de ne pas t'aider. Elle n'ose pas. C'est à cause de Pierre. Mais toi ?» Il sourit. « Eh bien, moi j'ose. Écoute, ne m'en félicite pas. J'ai tout de même passé l'âge d'être en lisière. Mon oncle d'abord et mon frère maintenant, je me révolte. Moi aussi, je me mets en grève. » Anatoly insista. « C'est dangereux, mon petit Laurent. Si j'ai bien compris la situation, tout ton avenir dépend de l'usine. » « Dépend de l'oncle aujourd'hui, de Pierre demain. Est-ce que je me trompe ?» Il était gai, il s'amusait. « Tu ne te trompes aucunement, c'est bien ça. Mais sous le gouvernement de Pierre, comme sous le despotisme de l'oncle, mon avenir à l'usine est peu de choses. D'autre part, j'ai un peu d'argent, très peu, suffisamment, qu'ils garderont pour le faire valoir, ou qu'ils me rendront. Et il ne m'en faut pas davantage. Et puis, tu vas rire et j'en ris moi-même. » Pour la première fois de ma vie, moi, Laurent de Berville, employé aux écritures, je fais ce qu'il me plaît de faire. C'est romanesque, je le sais. Il me semble qu'enfin ma pauvre vie, si rangée, devient un peu romanesque. D'ailleurs, avec précaution, tu as vu que j'ai fait mes comptes, établi mon bilan. Mais romanesque, cependant, romanesque. Plus il riait et plus Anatoly était effaré de le voir si résolu dans ses hardiesses. Elle le suppliait de réfléchir encore et de ne pas aventurer légèrement toute sa destinée. Il devint grave et répondit « Ma destinée ? Je n'ai pas de destinée. Je ne crois pas qu'on ait, à proprement parler, une destinée. Et moi, en vérité, moins que personne. Mais on arrange le mieux qu'on peut son plus grand bonheur. On tâche d'en attraper des bribes. Eh bien, permets que je profite d'une occasion de vivre un peu dans ton voisinage, de te voir beaucoup pendant quelque temps, et puisque tu as décidé de secourir les pauvres, « laisse que je les secours auprès de toi. Je t'aiderai. Tu vois, je suis parfaitement sincère. Ce n'est pas du tout que j'aie ta bonté. Si je sacrifie quelque chose, j'aurai honte de mentir. Ce n'est pas à la charité que je le sacrifie, mais au plaisir d'être un peu auprès de toi. Il n'y a pas dans mon avenir, plus que dans mon passé, une chose qui vaille que je me refuse à un si grand bonheur. » Comme Anatoly, ému, tardait à répondre, il ajouta « Excuse-moi si je t'ai indiscrètement rappelé que je t'aimais. Il le fallait par loyauté. Maintenant, c'est fini. Nous n'en parlerons plus. Et nous serons des camarades, tout uniment, veux-tu ? » Il y avait, pour empêcher Anatoly de lui dire très simplement merci, le projet qui l'attendait le plus, celui d'associer à son œuvre de charité Paulin. Car elle songeait à secourir les pauvres, et, par les pauvres, elle comptait amender l'âme si trouble de Paulin. Or, si Laurent ne renonçait pas à être amoureux d'elle, comment acceptera-t-il la présence de Paulin, dont il était jaloux, qu'il haïssait et méprisait? Devait-elle lui infliger ce tourment? Ne souffrira-t-il pas? Elle le lui demanda. « Tu ne t'en apercevras pas du tout, » fit-il, le visage un peu crispé. « Mais toi, je ne m'en apercevrai pas beaucoup. »« C'est bien, » dit-elle. Et comme ses lèvres tremblaient, elle n'avait pas à en dire plus long pour qu'ils fussent tous les deux sûrs de s'être compris à merveille. Ils travaillèrent ensemble. Anatoly avait les bonnes idées. Laurent n'était pas maladroit à l'aider. Seulement, les premières difficultés vaincues, d'autres se présentèrent, et parfois déconcertantes. Pour soigner avec elle et surveiller la vingtaine de gamins, de garçons et filles qu'elle avait recueillis chez elle, Anatoly eut trois des sœurs bleues qui possédaient encore leur couvent de la basse ville. Au bout de quelques jours, l'une des sœurs lui annonça qu'elle ne pouvait pas continuer ce service. Elle avait reçu de la mairie un avertissement officieux. Si on les tolérait, par une bienveillance dont elle ne devait pas méconnaître le caractère exceptionnel, ce n'était pas pour qu'elles fissent de la politique, et nettement révolutionnaire. Si elle prétendait demeurer indemne dans la querelle des partis, qu'elle n'allât ce point s'y mêler. « Oh, les misérables !» s'écriait Anatolie. « Ne les jugeons pas, mademoiselle. Chacun de nous sera jugé. Mais entre deux mots, choisissons le moindre. Nos sœurs ont, grâce à Dieu, le bonheur d'être utiles à Castillac. Épargnons-leur d'être chassées. » Le maire de Castillac était un ami intime de René, camarade de collège et commanditaire de l'usine. « Tu vois d'où ça vient ?» dit Anatolie à Laurent. « Je vois, l'oncle est fort, Pierre aussi. » Anatolie eut à remplacer les sœurs en peu de temps. Les gardes-malades qu'elle trouva lui furent bientôt prises et, disait-on, pour des cas très urgents. Elle chercha parmi ses relations de jadis, parmi les filles et les petites filles des amis de sa grand-mère. Les bonnes volontés étaient extrêmement timides. Vous comprenez la situation de mon mari, la politique. Bref, on les conduisait assez poliment. Il lui arrivait aussi de sentir qu'on se méfiait particulièrement d'elle et que les mères de famille n'étaient pas tentées de voir leur fille tourner à sa manière. On ne lui épargnait pas les conseils de prudence. « Prenez garde, ma chère enfant, on est si vite débordé. » Les populations exaltées des faubourgs, les mauvais instincts qu'on a développés dans les classes populaires. Puissiez-vous réussir, mais prenez bien garde. Seulement, un beau jour, la tante Pauline apparut. Elle venait d'apprendre que Pierre, son fils Pierre, se présentait à la députation. Cela passe encore, mais comme socialiste indépendant. « Socialiste, Pierre ? Socialiste, mon fils ? Comprends-tu ça ? René l'approuve. Henriette aussi, moi pas. Moi, c'est fini. Me voici avec mes deux bonnes. Tu peux te fier à elle comme à moi. » J'ai dit à Pierre ce que je pensais. Il m'a répondu, l'usine avant tout. Eh bien non, pas l'usine avant tout, j'en ai assez. Emploie-nous, ma petite. Et ne parlons plus de choses qui me mèneraient bientôt. Où est mon pauvre Antoine ? Donne-moi un tablier. Pierre socialiste, Laurent commenta la nouvelle. Pierre s'avisait de rallier les suffrages des ouvriers. Ouvrier lui-même, simple ouvrier de l'usine de Berville, et que les autres avaient vu souvent houspillé par l'oncle, il s'efforcerait de créer, entre le socialiste officiel et lui, un malentendu. Et il en profiterait. Certes, il marchait avec le patron, mais on pouvait s'y tromper. Comme un de Berville et comme le neveu du patron, il évitait aussi d'effarer les bourgeois. Il leur offrait des garanties en même temps qu'il séduisait, par l'audace de son étiquette, l'humeur aventureuse des bourgeois démoralisés, les bourgeois d'aujourd'hui. Pierre jouait un jeu périlleux, un jeu malin, et où son habileté pouvait réussir. Un jeu cynique, ça oui. Évidemment, il avait combiné son affaire, et ne manquait pas de ressources. Nous en verrons de belles, gémissait la tante Pauline. Avec son tablier blanc, son entrain qui s'émancipait, et bientôt avec une aisance à peu près délicieuse, elle gouverna la pouponnière. Elle y fut admirable. Elle s'en apercevait, et elle disait « je vis, et dire que j'approche de la vieillesse, je commence à vivre. » Ah, René, ce despote, un peu plus j'allais au tombeau sans avoir vécu, par sa faute. Il y eut à régler avec l'administration compétente plusieurs formalités, où chaque fois on devinait l'intervention taquine de René ou de Pierre. Anatolie n'avait-elle pas ouvert un hôpital sans les autorisations nécessaires, et avait-elle assuré dans cet hôpital de fortune l'hygiène la plus méticuleuse? Et en tout état de cause, le danger des contagions était-il prévu? Les inspecteurs de l'assistance publique envoyés par la préfecture multiplièrent leurs exigences. Anatolie souscrivait à chacune d'elles. Laurent veillait à ce que tout fût en ordre, et il apaisait aussi sa mère, qui, dans la joie de la liberté recouvrée, inventée même, donnait tous les signes de la violence. Le marchand de curiosités et le marchand d'ornements d'église, qui avaient leur boutique au rez-de-chaussée, se plaignirent de ce que la principale locataire eût détourné de sa destination l'appartement qu'elle occupait dans la maison. Le marchand d'ornements d'église, c'était son voisin qui l'endoctrinait. La tante Pauline le menaça de l'évêché. Le marchand de curiosités, Henriette, en s'établissant au parvis, avait pris chez lui tout son meuble de style, comme elle disait, afin de mettre en harmonie une vieille maison et le mobilier. Là encore, l'intervention des René se manifestait. Mais quoi ? Les René, meublés, n'achetaient plus rien. Le marchand de curiosités se contenta de dommages et intérêts. Tant de contrariétés mesquines et d'empêchements n'étaient pas pour décevoir Anatolie. Tout cela, Carangeais et sa générosité prodigue et la patience active de Laurent ne comptaient pas beaucoup. Avec sa tente rénovée par miracle, et avec son cousin, et avec la compagnie des bambins, heureux chez elle et qui emplissait de gaieté innocente les trois terrasses du jardin, elle sentait se composer autour d'elle une famille, une étrange famille, faite de hasard et de parenté, faite aussi de tendresse et de bonté, de chimère aussi. Mais pour l'animer surtout et la divertir des petits tourments, il y avait Paulin, son grand tourment et parfois sa grande espérance. Il venait assez souvent chez elle. La tante Pauline, sa marraine, avait songé un instant à le chapitrer, puis elle lui avait dit « Au surplus, mon petit, tu n'as pas les mêmes raisons que de n'être pas socialiste. Et si, grâce à toi, Pierre n'est pas élu, tu m'auras remboursé amplement de tous les cadeaux que je ne t'ai pas faits. Car vraiment, je n'ai pas été pour toi une marraine. Ce n'est pas ma faute. Je te dirai plus tard de qui c'est la faute. » La rencontre de Laurent et de Paulin se fit comme l'avait promis Laurent. Et si, à l'atelier, purent voir que Laurent souffrait, ce fut au soin qu'il eut de recourir à tous les prétextes pour éviter Paulin. Dans la basse ville, Anatolie et Paulin faisaient ensemble des visites longues et nombreuses à tous les pauvres gens. Et ils entraient de porte en porte. Ils montaient d'étage en étage. L'odeur des maisons misérables les poursuivait. Et elle était pour Anatolie la pire chose. Ni les mains sales à toucher, ni le continuel rabâchage des mêmes plaintes, ni même l'hypocrisie éventuelle des jérémiades de l'enfant Seth également. Elle apportait d'un jour à l'autre ce qu'elle avait vu, qui manquait ici ou là, des vêtements, des provisions, et infatigablement des aumônes. Les pauvres gens, peu à peu, se familiarisaient, demandaient plus, demandaient trop. Il était assez cruel de les surprendre à quelques repas, et malin à cacher vite leur pitance, afin de n'être pas considérés comme des gaillards, qui n'ont besoin de rien. Un bonhomme fourrait sa pipe dans sa poche et dissimulait son luxe de tabac. « Tu vas mettre le feu, lui disait Paulin. » Le bonhomme recommençait de fumer, un peu déconfit d'abord, et bientôt rassuré. Les plus astucieux, Paulin savait les prendre, et il les traitait avec une habile familiarité. Anatolie, avec eux, était décontenancée, malheureuse. Avec les autres, les bons pauvres, qui ne font pas de manière, elle avait toute son aisance. Elle bavardait amicalement. Mais Paulin, mieux encore. Anatolie observait, comme les jours de gentillesse, il était naturel avec les pauvres. Il se répétait perpétuellement ce qu'il lui avait dit, l'un des jours où d'ailleurs il la torturait sans presque de relâche. « Moi qui suis un pauvre. » Oui, à coup sûr, il était un pauvre. Au milieu des pauvres, il était l'un d'eux. Il leur parlait avec un accent de camaraderie, fut-elle rude à l'occasion, qui leur plaisait plus que les délicates attentions d'Anatolie. Avec les enfants, il était drôle, enfant comme eux. Et il lui disait « Vous ne savez pas parler aux gosses. » Elle répondait « Tu m'apprendras. » Ah, voulut-il apprendre la charité, la vraie charité, celle qui rapproche les âmes jusqu'à supprimer de l'une à l'autre tout embarras, même la timidité, pour que fleurisse en elle la simple amitié? À de tels moments, Anatolie croyait Paulin sauvé. Il n'était pas jusqu'aux folies doctrinales de Paulin, qui, rattachées à un tel sentiment de fraternité réelle et profonde, ne lui parussent en quelque sorte rachetées. Puis il apercevrait son erreur, à la lumière de tant de vérités claires, et alors il serait mieux que sauvé. Anatolie se souvenait de la première sortie qu'ils avaient faite ensemble à Paris, dans les rues populaires de son quartier. Elle se rappelait très nettement le ton d'éloquence sur lequel il lui parlait des pauvres. Alors elle était émue de cette éloquence, émue et troublée, car Paulin commençait de lui énoncer les tentants principes dont elle croyait sentir la générosité, dont elle devinait peut-être les dangers, et dont maintenant elle savait les conséquences détestables. Paulin, dans ce temps-là, formulait la revendication des pauvres, et il ne s'approchait pas d'un seul pauvre. Comme il valait mieux, désormais, attentif aux petits ou grands chagrins d'un chacun, valait-il mieux? Pourtant, la souffrance à laquelle il semblait compatir, c'était lui qui l'avait répandue à profusion dans la basse ville de Castillac pour être élu, et il continuait de la répandre, obstinément. Un jour, un malheureux lui demanda « Ça va-t-il durer, citoyen, cette grève ?» Il répondit très rudement « Oui ». Et comme le malheureux se débattait contre une volonté si violente, Paulin le secoua, l'accusa de lâcheté. Il l'accusa d'égoïsme et de fade mollesse. De quoi se plaignait-on? N'avait-on pas la subsistance? Et grâce à qui? De sorte que la bienfaisance d'Anatolie, il la tournait en argument pour maintenir la grève. Il la tournait en argument pour ses doctrines et, au surplus, en argument pour lui. Anatolie cherchait assez bellement à se dissimuler l'usage qu'il faisait de la charité. Du moins, et pour des raisons ou d'autres, il admettait la charité. Naguère, il la méprisait, la raillait, et il accusait les crimes de la charité. Maintenant, il accompagnait volontiers la criminelle, et quand une aumône donnée par Anatoli éclairait de joie soudaine un visage qui semblait avoir oublié toute joie pour jamais, Anatoli avait deux visages à regarder, le visage du pauvre, si content, et le visage de Paulin, content de lui-même. Elle épiait sur le visage de Paulin les moindres signes de la bonté, comme sur la physionomie d'un malade, on épirait un peu d'amélioration. D'ailleurs, elle ne se trompait aucunement, et Paulin, plus d'une fois, s'attendrissait dans son cœur, plus encore qu'il ne le montrait. S'il le montrait le moins du monde, Anatoli était plus contente que lui, et plus contente que le pauvre. Anatoli, pourtant, se disputait à elle-même tout son espoir. Dans le secret de son inquiète pensée, elle se demandait si la politique de Paulin, comme celle de Pierre, voulait que cette misère ne fût pas secourue. Paulin comme Pierre ne m'interdirait-il pas toute charité ? La question posée ainsi ne tolérait qu'une réponse. Anatoli, du moins, tâchait de constater que, pour le moment, la politique de Paulin ne refusait pas qu'on fût charitable. Et c'était peu de choses. N'était-ce pas le frêle commencement du salut ? Cependant, la campagne électorale menait son train vulgaire. Anatoli ne se mêlait point à ses manigances. Elle accomplissait exactement ses volontés. Et de la lutte, elle ne connaissait que les blessés, pour les soigner. Mais que survint un incident, elle voyait se défaire dans l'esprit de Paulin tout son ouvrage. Il était repris de sa dureté. Anatoli ne trouvait pas à lui dire un mot qui le pût adoucir. Il traitait les pauvres et elle si sèchement que l'amour et la bonté semblaient subir en lui les mêmes tribulations et quelquefois l'abandonner. Alors elle ne savait plus que faire. Et pour qu'elle ne se décourageât point, il lui fallait toute sa jolie vaillance. Mais peu à peu, elle se consumait. Un jour, ils s'étaient, Paulin et elle, attardés auprès d'un malade, un singulier garçon, tout dépourvu de lecture et neurasthénique comme un littérateur. Paulin l'avait bien admodesté. Assis au pied du lit où languissait le maniaque, il écoutait ses propos vagues et les lui relevait avec un entrain subtil et réconfortant. Puis, à leur dernière visite, la nuit tombait. C'est le moment où il faut le plus de fermeté morale, quand on va chez les pauvres. Il n'allume ni lampe ni chandelle, et ne voyant pas clair, il se couche. Dans l'obscurité, le pêle-mêle de leur taudis vous dégoûte et vous épouvante. Paulin conduisait Anatoli avec de gentils ménagements. Elle s'appuyait à son bras, le sentait fort et amical. Dehors, les becs de gaz, très distants les uns des autres, donnaient de petites lueurs rouges et faibles. Il n'y avait presque plus personne dans les rues. Et dans le silence désagréable, Anatoli aurait eu peur sans Paulin. Mais la présence de Paulin la rassurait. Et comme elle était, d'âme ainsi que de corps, appuyée à lui, elle les crut, elle et lui, en communion parfaite. Elle lui dit « Avoue que la charité est charmante. » À quoi pensait-il, tandis qu'elle l'imaginait émue de la même pensée qu'elle, au point qu'elle n'eut qu'à détacher son assentiment, comme on cueille un fruit mûr. Il répondit « J'aime mieux préparer le temps où la charité sera inutile. »« Ce sera dommage, » fit-elle désappointée. Il l'accusa, et non pas elle, mais enfin tous les tenants de la charité, d'une sorte de perversité scandaleuse. Quoi ? On se réservait, comme un chasseur épargne le gibier, les pauvres dont a besoin la charité ? L'on se gardait de tuer le paupérisme trop vite, afin d'aligner longtemps de brillants tableaux de charité ? Preuve, ce serait dommage, disait Anatoli, de n'avoir plus de pauvres. Donc la charité ne suppose pas seulement la misère, elle l'exige. Et Paulin n'adoucissait pas la rigueur de ses sophismes. Il blessait Anatoli sans scrupule. Elle lui dit « Mais alors toi, quand tu consens à mes charités, c'est uniquement ainsi, pour que tes pauvres durent jusqu'à l'élection, je croyais. » Et il se tut. Un peu plus tard, il reprit « Laissons ça. Vos charités épargnent beaucoup de douleurs à des gens qui souffrent, non pour moi, mais pour la cause, et pour la cause qui est la leur, au bout du compte. Quant à moi, il est bien évident que vos charités font merveille. » Les deux Berville m'attaquent avec une rage effrontée. La candidature de Pierre est dangereuse. Sans doute, il a du mal à cacher l'hypocrisie de sa combinaison. Mais il lui reste une ressource, la concession, qui ferait rentrer tout le monde à l'usine. Alors, bien entendu, la concession, c'est lui qui en profite, pas moi. Sans vos charités qui éternisent la grève et qui rendent les grévistes plus exigeants, je le vois clair comme le jour, je serais perdu. C'est un grand service que vous me rendez. Ce n'était pas un service de ce genre qu'elle voulait lui rendre, et elle l'écoutait avec angoisse. Il ajouta « J'ai un autre service à vous demander, mais comprenez-moi bien. Si vous vous trompiez sur mes sentiments, je ne me pardonnerais pas de vous avoir adressé cette prière, très difficile. Vous me connaissez, il est impossible que vous interprétiez mal. Mais va, Paulin. Êtes-vous toujours disposé à devenir ma femme, si par bonheur je suis élu ? Mais, Paulin, je n'ai pas besoin que tu sois élu. C'est toi, ne l'oublie pas, qui nous impose cette condition. » Il lui pressa la main comme pour affirmer une tendresse qu'il n'était pas opportun de déclarer davantage. « Alors, reprit-il, me permettez-vous d'annoncer nos fiançailles ?» Elle se méfiait, malgré elle, et dit « Sans doute, mais je ne vois pas. » « C'est qu'alors vos charités seraient en quelque manière les miennes, et pour tout dire en un mot, ma candidature en profiterait. » Elle s'écria « Non, non, non, je te le défends. » Elle lui lâcha le bras et elle se sauva, dans la nuit du faubourg, comme une folle.